Section 56 de Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 1er. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Histoire générale du 4e siècle à nos jours. Tome 1er. Les origines. 395 à 1095. Publié par Ernest Lavisse et Alfred Rambaud. Chapitre 12. Troisième partie. Période des invasions danoises, par Charles Bémont. Ravages exercés par les Danois. Les immigrations des Scandinaves commencèrent peu de temps après que les immigrations germaniques eurent cessé pour toujours. Tandis que les uns allèrent prendre du service auprès de l'empereur de Constantinople, d'autres, les hommes du Nord, s'attaquèrent à l'Empire franc dès le règne de Charlemagne. D'autres, les hommes de l'Est, s'établirent en Irlande, depuis 795. D'autres enfin, les Danois proprement dits, abordèrent en Angleterre, appelés par les Celtes de Cornouailles. D'abord ce furent de simples incursions. Les Danois aimaient la mer pour ses caprices et la guerre pour le butin. Sur leurs grandes barques non pontées, ils naviguaient à la voile ou à la rame. Tous marins à la mer, tous soldats sur terre, ils ravageaient les côtes et repartaient quand il n'y avait plus rien à prendre. C'était leur moisson d'été, qu'ils allaient dévorer chez eux pendant l'hiver. Ils mettaient à leur tête des Vikings, ou rois de la mer, qui étaient des chefs de bande, non des conquérants. Le type légendaire de ces Vikings est Ragnar Lodbrok, le plus grand et le plus beau des guerriers, géant vêtu de peau de bête avec le poil en dehors, qui, après maintes heureuses expéditions en Angleterre, finit par se faire prendre et, jeté dans un tonneau rempli de vipères, mourut en chantant son chant de guerre. La seconde période de l'invasion commença lorsque, voulant mettre leur butin en sûreté dans le pays même qu'ils avaient ravagé, les Danois y fondèrent leurs premiers établissements. Æthelwulf, 836-857, le fils et successeur d'Ecgberht, les bâtit à plusieurs reprises, mais sans les déloger de l'île Sheppey. Tandis que les Normands s'emparaient de l'embouchure de la Seine et que les hommes de l'Est, après avoir fondé Dublin, occupaient les Féroé, les Shetland, les Orcades et les Hébrides. Ces succès amenaient sans cesse de nouvelles recrues aux vainqueurs, tandis que les Anglais, cernés de toutes parts, ne pouvaient remporter que de stériles avantages. La première année du règne d'Æthelred, un fils d'Æthelwulf, 866, une grosse flotte, commandée par 8 rois et 20 jarls, aborda sur la côte de l'Est Anglie. Après avoir tiré leurs barques à terre et les avoir mises en sûreté derrière l'enceinte d'un camp, les Danois envahirent la Northumbrie, alors déchirée par la guerre civile. Une seule bataille, près d'York, les rendit maîtres du pays, qui fut dévasté. Les païens s'appliquèrent à détruire les églises. Les évêchés de Lindisfarne, de Lindsey, de Hexham disparurent. Les célèbres monastères de Crowland, de Peterborough, d'Ely furent réduits en cendres et les moines massacrés. La contrée qui avait produit les deux plus grands écrivains de la période anglo-saxonne, Bède et Alcuin, fut rendue à la barbarie. Bientôt, ce fut le tour de l'Est Anglie. Le jeune roi Edmond fut pris par les barbares et subit le martyre, 20 novembre 870. L'année suivante, d'autres Danois, conduits par Guthrun, remontèrent la Tamise et s'établirent à Reading. Æthelred, écrasé près de Merton, mourut de ses blessures, mai 871. La résistance à l'invasion danoise, exploit du roi Alfred. Alfred, qui recueillit à 22 ans le sanglant héritage de son père Æthelwulf et de ses 3 frères, tués à l'ennemi, acheta la retraite des vainqueurs à prix d'argent. Les Danois allèrent alors saccager la Mercie, qui fut, comme la Northumbrie et l'Anglie, réduite à l'humiliante condition de royaume tributaire. Cependant, Alfred avait mis ce répit à profit. Une flotte équipée rapidement vainquit le roi Hubba, et lui enleva une enseigne merveilleuse que, dit-on, les 3 filles de Lodbrok avaient faite en un seul jour. C'était un corbeau qui battait des ailes quand il partait pour la victoire. Mais d'autre part, Guthrun revint en force par le sud, prit Londres, envahit Wessex et vint hiverner sur le haut Avon. L'armée danoise, l'armée, comme l'appelle énergiquement la chronique saxonne, chassa les habitants devant elle. Beaucoup s'enfuirent au-delà de la mer, les autres se soumirent pour la plupart, sauf le roi Alfred. Avec une poignée d'hommes, il se retira au milieu des bois et des marais. Vers Pâques, il construisit un fort à Athelney. De là, avec une partie des hommes de Somerset, il sortit de temps en temps pour combattre l'armée. Puis, dans la 7e semaine après Pâques, il marcha vers la pierre d'Ecgberht, à l'est de Selwood. Là vinrent à lui tous les hommes de Somerset, tous ceux de Wiltshire, et cette partie des hommes de Hampshire qui étaient de ce côté de la mer. Il se réjouissait de le revoir. Le jour suivant, il alla de cette station à Iglea, au Clay, et le jour d'après à Ettenden, Eddington. Là, il combattit contre l'armée tout entière. Il la mit en fuite et la poursuivit jusqu'à sa forteresse, qu'il tint bloquée pendant 14 jours. Alors l'armée lui livra des otages, jura sur de nombreux serments de quitter son royaume et promit que son roi recevrait le baptême. Ils tinrent fidèlement parole. Environ 3 semaines après, le roi Guthrun vint le trouver avec une 30aine de guerriers choisis parmi les plus notables de l'armée à Aure, qui est près d'Athelney. Le roi fut son parrain au baptême, qui fut célébré à Wedmore. Guthrun resta 12 jours avec lui et reçut de nombreux présents. 878. C'est en ces termes simples et précis que la chronique saxonne raconte un des épisodes les plus mémorables des guerres danoises et l'événement le plus glorieux du règne d'Alfred. La légende l'a défiguré en le poétisant. La paix de Wedmore partagea l'Angleterre entre le roi des Danois et le roi de Wessex, par une ligne qui remontait la Tamise et son affluent, la Lee, rejoignait Lewes par Bedford et gagnait enfin l'ancienne voie romaine appelée Watling Street. L'Est Anglie, Essex, avec Londres sa capitale ruinée, la Northumbrie tout entière, la moitié orientale de la Mercy, composèrent le territoire danois, le Danelag. Le reste appartint à Wessex, agrandi de Sussex, de Kent, de la Mercy occidentale. Des 3 grands états saxons, Wessex demeura donc seul, avec le prestige de la résistance victorieuse qu'il avait opposée à l'ennemi. L'idée de patrie était née au sein des communes. La force des choses et l'influence plus grande encore du sentiment national se réunirent ainsi pour hâter la formation de l'unité politique en Angleterre. Institution du roi Alfred. Alfred ne fut pas grand seulement parce qu'il n'avait pas désespéré et qu'il avait été heureux, mais encore et surtout parce qu'avec une intelligence supérieure, il entreprit de réparer les désastres de l'invasion et de fortifier son royaume contre les périls à venir. Sur le front opposé à l'ennemi, des forteresses furent construites. Londres, enlevée à Guthrun après un soulèvement bientôt réprimé, 886, fut rendue habitable et repeuplée. Toute la vallée de la Tamise fut alors occupée par les Saxons. La Mercy, occupée, servit de barrière entre les Danois et les Gallois, toujours prêts à s'associer contre l'ennemi commun. Pour l'armée, on organisa la levée en masse. Le pays fut divisé en districts militaires, chaque portion du sol cultivé comprenant 5 hides dut fournir un homme d'armes avec une solde et des vivres. Chaque bourg dut également un certain nombre de guerriers. Cette milice, Fyrd, fut divisée en 2 contingents, l'un pour le service actif, l'autre pour la défense des places fortes. C'était une armée vraiment nationale. Elle protégea le pays sur terre, pendant qu'une flotte concentrée dans des stations choisies surveilla la mer. Le service militaire était une des 3 obligations imposées à chaque propriétaire foncier. La Trino da Necessitas comprenait encore l'obligation de contribuer à l'entretien des ponts et à la garde des fortifications. Alfred y tint fortement la main. Il rétablit l'ordre public en faisant reconnaître la supériorité de la justice royale sur tous les autres tribunaux. L'ancienne paix du peuple disparut pour faire place à la paix du roi. Toute violation de la loi fut punie comme une offense faite à la personne royale. La civilisation anglo-saxonne sous le roi Alfred. En même temps, les études furent remises en honneur. Alfred avait appris tard à lire, mais s'il faut en croire un de ses biographes, il eut toujours depuis quelques livres avec lui. Comme Charlemagne, il établit une école dans son palais. Il s'entoura de lettrés, comme Plegmund, archevêque de Canterbury, un des auteurs prétendus de la chronique saxonne. Il attira à sa cour les étrangers, comme le gallois Asser, moine de Saint-David, qu'Alfred nomma évêque de Sherborne, comme le français Grimbaud, moine de Saint-Bertin, et le saxon Jean, moine de Corveille, qui fut remis l'un et l'autre à la tête des monastères nouvellement fondés de Winchester et d'Athelney. Il voulait, disait-il lui-même, que tous les jeunes gens nés libres de son royaume, qui en avaient les moyens, fussent contraints à apprendre, jusqu'à ce qu'ils sussent lire dans la perfection l'écriture anglaise. Qu'ensuite, ceux qui se destinaient à l'enseignement et au service divin fussent instruits dans la langue latine. Alfred lui-même se fit auteur. Non qu'il ait composé un seul ouvrage original, il n'a jamais fait que des traductions, ou il n'hésita pas d'ailleurs à faire entrer ses vues personnelles. Mais il les rédigea dans sa langue maternelle. Les 5 livres de la Consolation tirés de la philosophie par Boèce, l'Histoire universelle d'Orose, continuée par l'Histoire ecclésiastique de Bède, le Manuel du pape Grégoire le Grand pour la direction des âmes, Cura ou Regula Pastoralis. Par là, il a mérité d'être considéré comme le fondateur de la prose anglaise. Il fit aussi consigner par écrit, dans cette même langue, les lois des divers rois saxons. On pourrait donc dire qu'il a fait rédiger le premier code de loi nationale, comme sans doute il a provoqué, directement ou indirectement, cette compilation historique, appelée par les uns la chronique anglo-saxonne, par les autres les chroniques anglaises. C'est en effet une œuvre officielle, rédigée à Winchester, la capitale du royaume. C'est aussi une œuvre nationale, car elle ne raconte que les faits intéressant l'histoire des rois anglo-saxons. Composée à l'aide de documents intérieurs, de brèves annales locales, elle mit fin à l'existence de ces annales particulières et devint par là même une preuve matérielle du progrès accompli vers l'unité. Elle témoigne encore d'un autre fait. Comme il est extrêmement rare qu'elle note des événements de l'histoire continentale, elle atteste l'isolement où vécut l'Angleterre pendant toute la période saxonne. Cette véritable chronique, la première de l'Europe qui ait été écrite dans une langue moderne, est exclusivement anglaise, comme Alfred est un roi exclusivement anglais. Nouvelle lutte contre les Danois. Alfred put à peine consacrer 15 années à ce bienfaisant travail de rénovation politique et intellectuelle. Après Wedmore, les Danois s'étaient jetés sur la France. La grave défaite subie à Saucourt, ainsi que la paix imposée à Guthrun en 886, arrêtèrent pour un temps les courses de pirates. Par malheur, les pays scandinaves étaient, à ce même moment, travaillés par des mouvements intérieurs qui devaient amener de nouvelles migrations et de nouveaux ravages. C'est à la fin du IXe siècle que se formèrent les royaumes de Danemark, de Suède et de Norvège. Cette concentration du pouvoir, en quelques mains, produisit un double effet. D'abord, les petits chefs indépendants, impatients du joug imposé par l'usurpateur heureux de la couronne, se réfugièrent sur la mer et imprimèrent à la course un élan nouveau. Plus tard, les grands rois du Nord réussiront là où vont échouer ces chefs isolés et emporteront les dernières résistances de l'Angleterre aux abois. À partir de 893, Alfred eut à combattre les Danois nouveaux venus. Ils durent se retirer après 3 ans de tentatives inutiles pour fonder des établissements fixes sur le territoire saxon. En même temps, les princes gallois, qui, par haine des Anglais, étaient les alliés naturels des Danois, demandèrent la paix. Alfred put mourir tranquillement, 28 octobre 901, laissant une mémoire qui, par un rare privilège, n'a jamais été discutée. Pour les historiens modernes, comme pour les chroniqueurs du Moyen-Âge, il a toujours été Alfred le Grand. Les successeurs du roi Alfred. Ses successeurs furent dignes de lui, et pendant un siècle, l'Angleterre eut cette bonne fortune d'avoir à sa tête des princes qui s'illustrèrent en la défendant. Édouard l'Ancien enleva aux Jutes l'île de Wight, bâtit Owen, roi de Gwent, en Galles septentrionale, conquit toute la Mercie danoise, éleva partout de nouvelles forteresses, enfin repoussa une coalition formée des princes gallois, des Bretons de la Clyde, du roi des Scots, des Danois. Si bien que les vaincus le reconnurent comme leur père et seigneur. Il mourut peu après, 925. Son fils, peut-être illégitime, Athelstan, lui succéda non sans contestation. Il s'empara de la Northumbrie. Au début de son règne, il avait porté le simple titre de roi des Anglo-Saxons. Il prit maintenant ceux de monarque de toute la Bretagne, de Basileus anglais, empereur des rois et nations habitant dans les limites de la Bretagne, etc. Au grand Witenagemot de son règne parurent en effet des princes bretons, des jarls danois, des tegnes de Northumbrie et d'Anglie. Son action se fit sentir même au dehors. Depuis que les hommes du Nord avaient arraché au faible Charles le Simple une partie de la Neustrie, l'Angleterre était sous la menace permanente des invasions normandes. Déjà, Æthelwulf avait épousé Judith, fille de Charles le Chauve. Æthelstan renouvela l'alliance française en donnant une de ses sœurs en mariage à Charles le Simple, une autre à Hugues le Grand, tandis qu'une troisième épousa Otto le Grand, duc de Saxe, plus tard roi et empereur d'Allemagne. Après le renversement de Charles le Simple, Æthelstan recueillit son neveu Louis, qui l'aida à reprendre la couronne carolingienne en 936. Louis d'Outremer pouvait être un allié précieux pour la grande île que tant de peuples se disputaient. L'année qui suivit cette restauration, Æthelstan eut à combattre une coalition de Scots, de Bretons, de Danois northumbriens et Irlandais. Il les rencontra non loin de la Tweed, à Brunanbourg. Là fut livrée une des batailles les plus fameuses de l'histoire anglo-saxonne. Le roi Æthelstan, roi des comtes, celui qui donne l'anneau aux chevaliers, et Edmond, son frère, gagnèrent un durable renom à la pointe de leur épée. Là périrent maints guerriers, de dards lancés par-dessus les boucliers. Là tombèrent 5 rois que, sur le champ de bataille, les épées envoyèrent au sommeil éternel. Et ils étaient jeunes, et 7 des jarls d'Owen, de Cumberland, avec les Scots et les gens de la mer. Là, le prince des guerriers du Nord s'enfuit avec une poignée d'hommes vers la proue de son vaisseau. Là s'enfuit le chef aux cheveux blancs, le vieux Constantin, roi des Scots. Et il n'eut pas lieu de se réjouir à la communion des épées, car ses compagnons furent tués et son fils resta sur le champ de carnage, déchiré de blessures. Les hommes du Nord partirent sur leur barque clouée, pour chercher au-delà de la mer profonde Dublin et l'Irlande, couverts de honte. Jamais le pays n'avait vu pareil massacre. Jamais le tranchant du glaive n'avait abattu plus de guerriers, à ce que disent les vieux chroniqueurs. Depuis que les Angles et les Saxons vinrent ici sur la large mer, puissants forgerons de la guerre qui enlevèrent le pays aux Welches conquis. 4 ans après cette brillante victoire, Æthelstan mourut, 941, emportant les regrets de tout son peuple. Il avait perfectionné l'organisation de ses états, généralisé les associations pour le maintien de la paix, Frit Guild, favorisé la réforme religieuse. À tous égards, il a mérité d'être appelé le premier roi d'Angleterre. Les titres dont il se décora dans ses diplômes n'étaient pas pure vanité. Saint Dunstan et la réforme de l'Église. La guerre contre les Danois fut l'œuvre glorieuse de la première moitié du Xe siècle, continuée avec succès avec Edmond 941-946 et par Edred 946-955, frère d'Æthelstan et ses successeurs. La réforme de l'Église fut entreprise sous les auspices de Saint Dunstan, ministre de 4 rois pendant la seconde moitié du Xe siècle. S'il faut en croire ses biographes, Dunstan était de sang royal. Il naquit, on ne sait quand, dans le voisinage de Glastonbury, lieu autrefois célèbre et très fréquenté à cause de son monastère, où l'on conservait le corps de Saint Patrick, l'apôtre des Irlandais. C'est là sans doute qu'il fut initié aux sciences des philosophes. Il apprit aussi la musique. Comme David, il sut pincer le psaltérion et la cithare, toucher l'orgue, frapper des cymbales. Mais à toutes ses études séculières, il préféra la science de la piété contenue dans les livres évangéliques et apostoliques. En outre, il se rendit habile à tout faire de ses mains, à peindre, à former des lettres, à ciseler l'or et l'argent, à fabriquer tout ce qui lui plaisait avec le fer et l'airain. Son oncle, Adelme, archevêque de Canterbury, le présenta au roi Æthelstan, dont il ne quitta plus le palais. Là, tantôt se levant pour prier Dieu, tantôt s'asseyant pour juger les causes des hommes, il se conduisit avec sagesse et circonspection. Quand il voyait le roi fatigué des soucis de l'État, il jouait du tympanon, ou de la cithare, ou de tout autre instrument de musique, et réjouissait les cœurs du roi et des grands. Cette faveur lui fit des envieux. Il dut quitter la cour et se réfugia auprès d'Elfeg, évêque de Winchester, qui lui conseilla de se faire moine. Le jeune homme était mondain, ardent, il songeait à se marier. Après une courte mais vive résistance, il céda et prit l'habit monastique. D'ailleurs, il ne resta pas longtemps au cloître. Edmond, successeur d'Æthelstan, l'appela auprès de lui, lui donna la première place parmi ses palatins, et sans doute pour récompenser ses services, lui fit don du domaine royal de Glastonbury. Dunstan y construisit une église et y réunit une communauté de moines. L'institution monastique était alors en pleine décadence. Le nom même d'abbé était presque inconnu. Personne n'avait vu de couvent de moines. Ceux qui voulaient vivre en cénobite partaient seuls ou avec quelques compagnons, et allaient vivre à l'étranger. C'est ainsi qu'avait vécu Saint Patrick, ainsi que vivaient encore à cette époque les moines irlandais. Nulle règle, nulle discipline. Ou bien encore, c'étaient des prêtres séculiers, mariés pour la plupart, qui habitaient les bâtiments des abbayes et des cathédrales. Leurs mœurs étaient mauvaises et leur instruction nulle. Après Alfred, les études avaient tellement dégénéré qu'aucun prêtre anglais ne savait ni écrire une lettre en latin, ni la traduire du latin. Cependant, sur le continent, la fondation de Cluny, 910, avait commencé la réforme monastique. La règle de Saint Benoît y avait été rétablie dans ce qu'elle avait à la fois de sévère et d'utile. Obéir et se taire, travailler et prier, donner l'aumône aux pauvres et l'hospitalité aux étrangers. Le monastère de Fleury-sur-Loire adopta de bonne heure cette règle austère et servit à son tour de modèle aux réformateurs anglais. Odon, évêque de Sherborne, refusa le siège de Canterbury parce qu'il n'était pas moine. Abbon de Fleury vint lui apporter lui-même l'habit monastique, et c'est alors seulement qu'Odon accepta. Oswald, neveu d'Odon, se fit moine à Fleury. Rappelé par son oncle, il fut un zélé propagateur de la réforme à Worcester et plus tard à York. Pour réformer le clergé séculier, on remplaça par des moines bénédictins les chanoines des cathédrales. Dunstan favorisa ce mouvement, mais il était avant tout un homme d'État. La réforme, à ses yeux, ne devait pas seulement corriger les mœurs du clergé, mais aussi préparer des fonctionnaires instruits et disciplinés pour l'administration royale. Lorsqu'Edred monta sur le trône, 946, Dunstan, son compagnon de jeunesse, devint son principal ministre. Il se proposa d'organiser l'unité politique de l'Angleterre, si péniblement élaborée depuis un demi-siècle. Chaque État devait garder son autonomie sous l'autorité suprême du roi de Wessex. Ce plan chimérique et dangereux fut traversé par la mort d'Edred, 955. À l'avènement d'Edwy, fils aîné d'Edmond, les nobles saxons, qui regardaient les royaumes vassaux comme leur proie, s'emparèrent de l'esprit du jeune roi qui chassa Dunstan de sa cour. Mais les Merciens et les Northumbriens se soulevèrent. Ils prirent pour roi Edgar, frère d'Edwy, qui s'empressa de rappeler Dunstan. À la mort d'Edwy, 959, Wessex reconnut Edgar. Dunstan fut nommé archevêque de Canterbury. Saint Dunstan et le roi Edgar. Edgar, jeune homme de 16 ans à son avènement, régna d'abord sous la tutelle du primat. Il avait assez de valeur personnelle pour s'en affranchir bientôt, mais le roi et son ministre restèrent toujours unis. Leur œuvre, toute de paix et de réforme, fut si bien confondue qu'on ne saurait dire maintenant ce qu'il en faut attribuer au prince ou au prélat. Au point de vue ecclésiastique, il semble cependant que le roi ait été plus zélé que le ministre. Tandis qu'Edgar créait de nouveaux diocèses et fondait environ 40 abbayes, Dunstan conserva les chanoines à Londres, à Leicester, à Canterbury. Le vrai père des moines fut Æthelwold, le fondateur d'Abingdon. On ne peut douter néanmoins que Dunstan ait pris une part décisive aux résolutions du concile tenu en 964 à Winchester. L'élection des abbés et abbesses dut se faire conformément à la règle sacrée, avec le conseil et l'assentiment du roi. Les évêques durent être élus, avec les mêmes garanties par leur chapitre monastique, ou s'il n'y avait que des chanoines séculiers, par toute autre communauté de moines. Enfin, l'évêque, une fois ordonné, devait vivre avec ses moines sous une règle aussi étroite que l'abbé régulier. D'autres préceptes déterminèrent les rapports des évêques avec le roi, la reine, les grands, leurs voyages, leurs cortèges, les festins qu'ils étaient tenus de refuser, etc. C'était le triomphe du monachisme. Dans l'ordre laïque, l'idée de Dunstan fut remise en vigueur. L'hégémonie de Wessex fut proclamée, mais la Mercy, la Northumbrie, furent gouvernées par des Eldermen tout puissants. C'était comme les duchés nationaux de l'Allemagne, et Dunstan voulut peut-être imiter les fêtes par lesquelles Otto Ier avait célébré la restauration à son profit de l'Empire romain, quand il fit couronner solennellement Edgar à Bath, 973. Edgar fut d'ailleurs un roi pacifique. Une flotte nombreuse surveilla les côtes. Presque chaque année, elle faisait le tour de l'île, emmenant parfois le roi, et l'on dit que, dans une de ses expéditions, il vainquit le roi de Dublin. La légende qui dépeint Edgar assise au gouvernail d'une barque remorquée sur la Dee par 8 rois tributaires n'est que l'embellissement d'un fait véritable. Elle donne une idée juste du prestige de la royauté saxonne arrivée à son apogée. Les rois Édouard et Æthelred. Le roi des Anglo-Saxons, maître des îles et des rois de la mer, emporta au tombeau la fortune de sa race, 975. Il laissait deux fils de lits différents, Édouard et Æthelred. Le premier lui succéda, mais après une élection longtemps disputée, que Dunstan emporta enfin. La minorité d'Édouard, il n'avait que 13 ans, semblait promettre encore au prélat une longue influence. Mais il avait des ennemis nombreux, et de plus, Édouard fut assassiné à l'instigation de sa belle-mère après 2 ans de règne, 977. L'Église, qui l'avait servi, lui décerna l'épithète de martyr. L'avènement d'Æthelred mit fin au ministère du grand prélat. Dunstan survécut encore 10 ans à la perte de son pouvoir, tout entier au gouvernement spirituel de son diocèse et de sa province. Vieux, il revint aux occupations de sa jeunesse, à la musique, aux lettres, aux travaux de ses mains. On a dit de lui qu'il fut non le Grégoire VII, mais le Gerbert de son siècle. C'est le type le plus caractérisé du prélat anglo-saxon, dévoué sans doute à ses devoirs de prêtre, mais aussi serviteur empressé de la royauté. Esprit éclairé, ouvert à toutes les choses de l'esprit, réformateur modéré, il n'eut qu'une passion, celle du gouvernement, elle a rempli toute sa vie. Recrudescence des invasions danoises. Les invasions danoises reprirent au lendemain de la mort de Dunstan, 988. 3 ans plus tard, Britnort, Ealdorman d'Estanglí, fut vaincu et tué près de Maldon par une armée norvégienne. Elfric, Ealdorman de Mercy, fit défection. Des pirates, venus sans doute d'Irlande, ravagèrent Cornouailles et Devon, puis Dorset et Hampshire, 998, puis Kent, 999. L'entrée de la Medway fut forcée et le siège mis devant Rochester. À ces terribles envahisseurs, Æthelred ne sut opposer qu'une diplomatie lâche et insuffisante. Il imagina tour à tour d'acheter leur retraite à prix d'argent ou de les prendre à sa solde. Le Danegeld fut levé pour la première fois en 991. Puis, sur le soupçon que ces mercenaires préparaient la mort du roi et de ses witans, il les fit tuer. C'est le massacre de la Saint-Brice, 13 novembre 1002. Son mariage avec Emma, fille de Richard le Bon, duc de Normandie, fut au contraire un acte de politique prévoyante. Mais l'alliance normande ne suffisait pas pour sauver l'Angleterre, gouvernée par des ealdormen peu sûrs, sous un roi qui n'était jamais prêt. On le vit bientôt. Swain, ou Suénon, à la barbe fourchue, roi de Danemark et conquérant de la Norvège, s'empara en 1003 d'Exeter et de Salisbury. En 1010, Canterbury fut mis à sac, et l'archevêque Elphi égorgé après de longues souffrances. La retraite des pirates, achetée trois fois à prix d'argent, ne fit que les animer davantage. En 1013, Swain envahit la vallée de Limbert. Du coup, tout l'ancien Danelag fut reconquis. Puis Wessex fut envahi. Winchester, la capitale d'Alfred et d'Edgar, fut prise. Æthelred, après avoir croisé pendant quelque temps en vue des côtes, perdit courage et se réfugia en Normandie avec sa femme et ses enfants. Conquête de l'Angleterre par Canute. Quelques semaines après, Swain mourut subitement à Gainsborough, février 1014. Les Witan rappelèrent Æthelred, qui rentra dans Londres. Avec son fils Edmond Côte de Fer, il marcha contre les Danois et les força de se rembarquer. Le jeune Canute, que l'armée avait pris pour chef d'une voix unanime, fit à l'Angleterre de sanglants adieux. Les otages que son père s'était fait livrer eurent les mains, les oreilles et le nez coupés et furent jetés à la côte près de Sandwich. Puis il cingla vers le Danemark, partagea l'héritage de Swain avec son frère aîné Harald et, après avoir assuré par là sa base d'opération, revint en Angleterre. La lutte, concentrée dans la vallée de la Tamise, fut poursuivie de part et d'autre avec acharnement. Æthelred étant venu à mourir, 1016, les Witan de Londres élurent Edmond, les autres choisirent Canute. Après s'être mesurés inutilement dans plusieurs rencontres, les deux rois se partagèrent le pays comme au temps d'Alfred. Il fut décidé qu'Edmond serait le roi suprême et qu'il aurait Wessex, Essex, Est Anglie. Canute aurait la Mercie et la Northumbrie. Mais Edmond mourut assassiné peu après, 30 novembre 1016. Pendant son règne de 7 mois, il avait livré 5 grandes batailles dont il avait gagné 3. Néanmoins, la terreur causée par les Danois était si grande et le sentiment national des Anglais si faible encore que, bien qu'Edmond laissât un frère et 2 fils, Canute fut reconnu, d'un consentement unanime, roi de toute l'Angleterre, 1017. Canute commença par affermir sa domination par des meurtres politiques. Le frère d'Edmond fut mis à mort. Ses 2 fils, transportés en Norvège pour y subir le même sort, parvinrent à s'échapper et trouvèrent asile auprès de Saint-Étienne, roi de Hongrie. Uthred de Northumbrie, beau-père d'Edmond, fut invité aux fêtes du couronnement et assassiné dans le palais même du roi. En même temps, il fallait que Canute satisfît la flotte qu'il avait aidé à vaincre. Pour cela, l'Angleterre dut payer un lourd Danegeld, 1018. Gouvernement de Canute le Grand. Mais Canute n'était cruel et avide que par nécessité. Loin de tyranniser l'Angleterre, il en fut un des rois les plus glorieux et les plus bienfaisants. Il ne changea rien aux institutions saxonnes. À la mort d'Edmond, il prit la couronne à Londres, d'après les formes ordinaires. Dans un Witan Hegemot tenu à Oxford, il renouvela les lois d'Edgar, qui ne faisaient aucune distinction entre les parties anglaises et danoises du royaume. L'organisation administrative ne fut pas modifiée. L'Angleterre, divisée en 4 ealdormana, fut gouvernée par des chefs aussi bien anglais que scandinaves. À côté du Norvégien Eric, Northumbrie, et du Danois Turkil, Est Anglie, figurèrent Léofric en Mercie et Godwin en Wessex. Ce dernier était de condition obscure, mais il était brave, éloquent, avisé, autant qu'actif et aimable. Son mariage avec la sœur d'un jarl, qui lui-même était beau-frère de Canute, et ses grandes richesses firent bientôt de ce Saxon le premier personnage de l'Angleterre après le roi. Le Danegeld fut maintenu et Canute, après avoir renvoyé en Danemark la plupart de ses vaisseaux, entretint une garde permanente de quelques milliers d'hommes. Ce sont les Housecarls, armés de la terrible hache danoise, qui disparaîtront seulement à la bataille de Hastings. Ainsi appuyé et armé, Canute put donner à l'Angleterre une paix durable à l'intérieur et à l'extérieur. Justicier sévère et impartial, il parcourut souvent ses états, entouré de conseillers et de scribes, pour régler les différends sur les lieux mêmes. Il protégea l'Église, il adopta les saints saxons, Dunstan, le roi Edmond d'Est Anglie, Édouard le martyr, l'archevêque de Canterbury, Elphi, furent particulièrement honorés, et une église fut élevée sur le champ de bataille d'Assadon, où Edmond avait été vaincu. Au dehors, son action fut également active et toute pacifique. Il renouvela l'alliance de l'Angleterre avec la Normandie en épousant la veuve d'Ethelred, Emma, bien qu'elle eût le double de son âge. Plus tard, il donna sa sœur Edith en mariage au duc Robert le Magnifique. En 1027, il fit un pèlerinage à Rome, où il répandit les présents et les aumônes. Il y négocia avec le pape, qui renonça aux sommes considérables qu'il tirait de chaque nouvel archevêque de Cantorbéry pour l'obtention du pallium. Avec l'empereur Conrad II, qui rendit au Danemark les pays situés au nord de l'Eider. Avec Rodolphe, roi de Bourgogne, qui promit le libre passage à travers ses états aux sujets du roi d'Angleterre, aux marchands, aux pèlerins allant à Rome. Dans une lettre à son peuple où il annonçait ses heureux résultats, Canute disait qu'il avait voué sa vie à rendre la justice à tous, à gouverner en roi pieux et juste. Il enjoignait à tous ses agents, pendant son absence, de ne faire tort à personne, riche ou pauvre, menaçant ce qui serait en faute de son implacable sévérité. De Rome, il se rendit dans ses états du Nord. La mort de son frère Harald, en 1018, lui avait donné le Danemark. Il conquit la Norvège en 1028. On dit que la Suède reconnut sa suprématie. En 1031, il envahit l'Écosse et força le roi Malcolm II à devenir son vassal. Le nord de l'Europe sembla ne plus former qu'un seul état. L'Angleterre était à la tête de cette vaste agglomération de royaumes. C'est de Winchester que Canute les gouvernait tous. Il envoyait des missionnaires et des ouvriers anglais pour répandre chez les Scandinaves la religion et les métiers en honneur chez le peuple que les Scandinaves avaient vaincu. En Angleterre même, les Danois n'eurent que des offices inférieurs, ou furent peu à peu remplacés par des Anglais. Si Canute était venu 2 siècles plus tôt, l'Angleterre de l'heptarchie eût pu devenir une province danoise, comme la Bretagne celto-romaine était devenue une province saxonne. Mais Alfred avait donné au pays l'unité, Athelstan et Edgar la richesse et la puissance. Il n'était plus possible d'anéantir l'œuvre du temps. Canute ne pouvait se maintenir qu'en régnant en souverain anglais. Il le comprit dès le début, et ce fut là son génie. Canute mourut à 40 ans, novembre 1035. Sa famille ne devait pas durer un siècle, son empire même pas 10 ans. Il laissait 2 fils, Artaknut, qu'il avait eu d'Emma de Normandie, et qui lui succéda aussitôt en Danemark, et Harald au pied de Lièvre, qu'il avait eu d'Elgive de Northampton. Tous deux revendiquèrent la couronne anglaise et trouvèrent des partisans. Personne d'ailleurs ne songeait aux enfants d'Ethelred, pas même leur mère Emma, qui se déclara formellement pour Artaknut. Les Witan assemblés à Oxford résolurent la difficulté en partageant le royaume. Harald eut le pays au nord de la Tamise, mais il mourut prématurément, 1040, et Artaknut resta seul roi. Il fut rapace, brutal et sanguinaire. Il fit déterrer le cadavre de son frère, qui fut décapité et jeté dans un fossé. Il imposa un lourd Danegeld, qu'il fit lever par ses housecarls. Winchester, qui se souleva contre ses féroces collecteurs d'impôts, fut incendié et toute la contrée mise à sac. Le seul acte politique de son règne fut de rappeler de Normandie son demi-frère Édouard et de le désigner pour son héritier éventuel. Il mourut peu après, frappé soudainement au milieu des fêtes données pour le mariage de son porte-étendard, Tovi l'Orgueilleux, 1042. Édouard fut couronné sans contestation à Westminster, Pâques 1043. Édouard le Confesseur. Au milieu des chefs militaires danois et saxons qui avaient contribué à tenir sa famille en exil pendant 25 ans, ce dernier descendant de Cerdic faisait une étrange figure, avec ses allures monastiques, sa frêle santé, ses goûts normands. On l'a surnommé le Confesseur à cause de sa piété, mais il ne sut pas régner. La situation extérieure était cependant favorable. Le Danemark et la Suède, séparés de l'Angleterre, avaient recommencé leur lutte déjà séculaire. Au nord, l'usurpation du trône d'Écosse par Macbeth, meurtrier de Duncan, 1040, entrava pour un temps l'extension de l'Écosse vers le sud. À l'Occident, la victoire remportée par les Irlandais à Clontarf, 1014, avait brisé la domination des hommes de l'Est. Au sud, enfin, la Normandie était dévouée à un roi qui n'écoutait que les Normands. Mais à l'intérieur, le pouvoir était aux mains des Eldermen, Siward, au nord de l'Humber, Léofric en Mercie, Godwine en Wessex. Ce dernier, dont, en dépit de ses trahisons trop certaines et peut-être de ses crimes, on a prétendu faire un grand patriote, était de tous le plus riche, le plus puissant, le plus ambitieux. Il sut faire donner à son fils aîné, Swain, un Eldermanat comprenant Hereford, Gloucester, Oxford, Berks et Somerset. À son cadet, Harold, celui de l'Anglie orientale. À son neveu, Bourne, celui de l'Anglie moyenne. Sa fille Edith devint la femme du roi. Tostig, le plus jeune de ses enfants, épouse Judith de Flandre, opposant ainsi l'alliance flamande à la prépondérance des Normands. Toutes ces mesures attestaient que Godwine se préparait à recueillir l'héritage d'Édouard, qui n'avait pas d'enfant. En vain, un Witenagemot, assemblé à Londres, 21 décembre 1051, le mit-il hors la loi. Exilé en Flandre, il y leva des troupes, réussit à forcer l'entrée de la Tamise, fut admis à se purger par serment devant le Witenagemot, complaisant, et reprit tout son pouvoir. Ses fils, moins Swain, qui venait de mourir, recouvrèrent leur gouvernement. Les Normands furent persécutés à leur tour. Robert de Jumiège, que le roi venait d'installer sur le siège primatial de Cantorbéry, fut remplacé par Stigand, dont l'élévation parut à tous illégitime. Le triomphe de Godwine était complet, mais il dura peu. Le comte mourut d'un coup d'apoplexie à la table du roi, le 15 avril 1053. Il ne manquait pas de talent, mais il ne suffit pas qu'il ait été l'ennemi des Normands pour passer aux yeux de la postérité comme le défenseur de l'élément saxon contre l'envahissement des étrangers, et pour mériter d'être appelé le père de la nation. Harold. Son fils Harold lui succéda. Édouard, qui n'avait à lui reprocher aucune des perfidies si justement reprochées aux défunts, put avec moins de déshonneur s'effacer derrière lui. Harold, de son côté, s'efforça de lui plaire en le servant avec exactitude et sans morgue. Mais comme son père, il voulut assurer son pouvoir en mettant les grands commandements aux mains de ses frères. Après la mort de Siward, 1055, il donna la Northumbrie à Tostig, au détriment de Walteof, fils du défunt. Après celle de Léofric, 1057, il donna l'Anglie orientale à son second frère Gurt. Il établit le troisième, Léofwine, sur un vaste comté embrassant tout le sud-est du royaume. En 1058, les trois quarts du pays lui appartenaient, directement ou non. Il usa d'ailleurs habilement de sa toute-puissance. Il était séduisant, sa haute taille attirait les regards et son affabilité lui gagnait les cœurs. Il fit preuve à la fois d'énergie et d'équité. En 1063, provoqué par les incursions des Gallois, il mena contre eux une foudroyante campagne qui le conduisit jusqu'à la mer d'Irlande. 2 ans plus tard, les Northumbres s'étant soulevés contre Tostig, il n'hésita pas à retirer le comté à son frère, qui n'eut plus dès lors qu'un souci, celui de se venger. Harold visait-il au trône? En 1057, il avait rappelé de Hongrie Édouard, fils d'Edmond Côte de Fer. Mais le futur héritier d'Édouard le Confesseur était mort en arrivant en Angleterre, laissant un fils en bas âge. De ce moment, Harold put concevoir de grandes espérances. Elles se réalisèrent à la mort d'Édouard le Confesseur, 6 janvier 1066. Il prit la couronne, dit simplement la chronique saxonne, et fut sacré roi dans les mêmes formes que son prédécesseur. Personne en Angleterre ne pensa que ce fût une usurpation. Fin de la section 56.